France Inter. Les films cultes d'hier et d'aujourd'hui sont dans la chronique Blockbuster avec Frédéric Sigrist. Et ce matin, vous voulez revenir sur le palmarès des derniers Golden Globes. Oui Mathilde, parce que je suis content. Oui, c'est moi, le français content en 2023. Ma recette du bonheur, m'attendre au pire, je suis jamais déçu. Parmi les grands gagnants de la soirée des Golden Globes, il y a plein de gens que j'aime bien. Et franchement, moi qui n'entrave rien au sport, qui ai fait des choix de carrière moins bons que ceux de Manuel Valls, et qui à la présidentielle a toujours des candidats qui dépassent pas les 3%, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir pour une fois d'avoir misé sur le bon cheval. Michelle Yeoh et Ke-Huy Quan pour le film Everything, Everywhere, All at Once. Angela Bassett pour Wakanda Forever. La chanson n'a tout du film indien Triple R. Vous savez, ce film dont je vous parle tous les jours en i depuis un an. Jeremy Allen White pour l'excellente mini-série The Bear. L'ours, hein, pas la bière parce que j'ai un accent anglais pourri. Et Steven Spielberg. Steven, qui a 76 ans, continue d'être au sommet de son art avec The Fabelmans qui sortira en France le 22 février. Mais que les gens n'iront sûrement pas voir parce que c'est du cinéma fait à l'ancienne avec un scénario et des acteurs. Boring. The Fabelmans raconte l'enfance de Steven Spielberg, sa découverte du cinéma et la séparation de ses parents. Une histoire qu'il a déjà racontée par fragments dans sa carrière, a-t-il déclaré lors de son discours de remerciement dimanche dernier. Et cet autre grand film de Spielberg sur le divorce, ça tombe bien parce que je l'ai revu il y a une semaine avec mes enfants, c'est bien évidemment E.T. Attendez Frédéric, E.T. l'extraterrestre, c'est surtout un film de science-fiction, non ? Ah ben c'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je le revoie. Tout le monde se souvient d'E.T., cet extraterrestre qui ressemble un peu à une barre de Twix qu'on aurait laissé trop près d'un radiateur et qui, malgré un physique pas facile, a quand même réussi à émouvoir le monde entier et a quand même reçu 4 Oscars en 1983. On a tous en tête ce « E.T. téléphone maison » doublé en français par Jeanne Moreau ou Fabrice Drouel, je sais plus. Car en 1982, même les civilisations avancées d'aliens n'avaient pas encore de smartphone. Un film où cet extraterrestre botaniste, parce qu'ils sont venus sur Terre pour récupérer des plantes, un petit peu comme Anthony Bélanger quand il passe le périph, mais c'est pas tout à fait la même herbe. Un film où cet extraterrestre, je disais, se retrouve abandonné par les siens sur Terre et va se lier d'amitié avec un enfant, Elliot, joué divinement par le jeune Henry Thomas. Elliot qui vit avec sa sœur et son grand frère dans un foyer que le père de famille vient de quitter il y a peu. C'est la mère d'Eliot qui gère seule l'éducation et la subsistance de trois enfants. Étonnamment, tous les hommes dans E.T. pendant les trois quarts du film ne sont filmés que par morceaux. Une chaussure, une lampe torche ou un trousseau de clés. Pour Spielberg, l'homme adulte est toujours perçu comme la vraie menace du film. Menaces qui ne sont d'ailleurs pas tant que ça, car j'avais souvenir que les adultes étaient bien plus cruels. Preuve que j'avais vu le film par les yeux d'Eliot uniquement. E.T., ça n'est que ça, Mathilde. Le regard d'un enfant sur le monde cruel des adultes et un regard sévère sur les hommes. Une symbiose s'installe entre Elliot et E.T. Quand E.T. picole, c'est Elliot qui est saoul. Et quand l'un tombe malade, ce sont les deux qui se retrouvent menacés. Dès lors, quand E.T. dit qu'il veut retrouver sa maison. C'est aussi pour vous le petit Elliot qui veut retrouver son foyer d'avant la séparation, c'est ça ? Exactement ! En tout cas, c'est ce qu'on pense dans la famille Sigrist. Hein. Car comme me l'a fait fort justement remarquer ma petite fille, E.T., c'est la première et dernière lettre du prénom Elliot. Donc E.T. et Elliot seraient donc la même personne. Et se sentir abandonné sur une planète hostile où personne ne parle votre langue, est-ce que c'est pas comme ça qu'un enfant de 11 ans poserait des mots sur un divorce qui se passe mal ? En tout cas, rencontre du troisième type. E.T., Attrape-moi si tu peux, La Guerre des Mondes et aujourd'hui The Fabelmans, si tous les divorces donnaient d'aussi bons films que ceux de Spielberg, le cinéma serait sauvé et les parents se sentiraient sûrement moins coupables. Frédéric Sigrist, merci pour cette relecture des films de Spielberg.